l'instant cam sur Fadjet, anecdote sur Nancy et ses alentours. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler du plus ancien édifice de Nancy. Cette fois-ci, je vous donne rendez-vous place de la Commanderie, à côté du croisement de l'avenue Foch et de la rue Saint-Lambert. Commanderie Saint-Jean du Vieil-Être, qui signifie « vieux cimetière », datant du XIIe siècle, c'est l'un des rares monuments du style roman de la ville. La tour est le vestige d'une église fondée sous le duc Mathieu Ier et qui fut détruite au milieu du XIXe siècle, devenue propriété de la ville en 1950. On se trouve à l'ouest de la ville, près de l'Axou, et la commanderie est restée jusqu'au XIXe siècle en dehors des murs de Nancy. Mathieu Ier installa l'ordre des hospitaliers dans son duché et la commanderie fut édifiée en 1140 en campagne près de l'étang Saint-Jean, qui n'existe plus aujourd'hui, entourée de quelques bâtiments dont une chapelle. Lieu historiquement connu pour avoir été le quartier général de Charles le Téméraire, duc de Bourgogne, lorsqu'il assiégea Nancy d'octobre 1476 à janvier 1477, avant sa défaite le 5 janvier face à René II. Histoire que je vous raconte dans un autre chapitre. Pendant la guerre de 30 ans, Commanderie a subi des attaques suédoises et en 1633, une partie des édifices fut détruite lors du siège de Nancy par les troupes françaises de Louis XIII. Au XVIIIe siècle, s'y tenait la foire Saint-Jean ou foire aux cerises avec des cabarets et des chanteurs. Lors des extensions urbaines de Nancy du XIXe siècle, les bâtiments de la Commanderie ont été englobés au sein de nouveaux avant d'être détruits, hormis le clocher. Donc si vous vous baladez dans ces coins, n'oubliez pas de lever les yeux, comme partout dans Nancy d'ailleurs. Retrouvez mes chroniques L'Instant Cam sur fadjet.net ainsi que sur mes réseaux sociaux, Instagram, Facebook et YouTube.